Qui règne sur les cœurs, règne, règne souvent sans se faire connaître. Le Dieu qui règne sur les cœurs, règne souvent sans se faire connaître. Il nourrit en secret les plus vives ardeurs. Il se plaît à cacher les traits qu'il est fenêtre. Le Dieu qui règne sur les cœurs règne souvent sans se faire connaître. Il nourrit en secret les plus vives ardeurs et se plaît à cacher le trait qu'il est fenêtre. Le Dieu qui règne sur les cœurs règne, règne souvent sans se faire connaître. Règne, règne souvent sans se faire connaître. Jeune Amaryllis, se croyant seul un jour, je reconnus sa voix et sa musette, et sans chanter l'amour, elle faisait ainsi l'aveu de sa défaite. Sans chanter l'amour, elle faisait ainsi l'aveu de sa défaite. De ses hameaux, sans soin, sans désir de plaire, chaque jour sur la fougère, chante, chante les airs nouveaux. J'ignore si je l'aime, mais je sens bien. Si j'avais son cœur, j'en ferais mon bonheur suprême. Mais je sens bien que si j'avais son cœur, j'en ferais mon bonheur suprême. De ses sons, de sa voix touchante, et qu'on m'aimait enchantée. Cependant, sans cesse, il chante le froid plaisir d'avoir sa liberté. J'ignore si je l'aime, mais je sens bien que si j'avais son cœur, j'en ferais mon bonheur si vraiment. D'un aveu trop indiscret, non, non, non, non, je ne puis me défendre, je crains si je vais l'entendre de lui dis mon secret. J'ignore si je l'aime, mais je sens bien que si j'avais son cœur, j'en ferais mon bonheur si proche. Thank you. Thank you. Thank you.